Bon, qu'est-ce que tu fais, Minou? Hey, tasse-toi. Va-t'en. C'est ma place. Ah ouais. Ôte-toi de là. Descends. Ah ouais, va-t'en. Minou, c'est ma place. Bon. Bonjour. Bon, ce matin, j'avais un petit peu de temps. Moi, je me suis fait couper les cheveux. Hein. On change de saison. Ben, couper. Disons, je me suis fait tondre comme à chaque année. Donc, bon, ce matin, j'avais un petit peu de temps ce matin, puis cet avant-midi. Puis, ça fait des mois que j'écoute plus grand-chose. Hein. Puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte, il y a Fergus qui a fait une petite sortie. Puis là, je l'écoutais, puis je savais pas de qui il parlait. Il disait, hey, le gros, pas grand, mais large, puis qui aime jouer dans la terre. Puis là, j'étais là, coudonc, il parle-tu de moi? Je suis pas large, large, mais je suis carré un peu. Puis bon, finalement, après, il disait, demande-toi pas pourquoi ça va mal dans ta vie. Puis là, je dis, ah, il parle pas de moi. Il doit pas parler de moi. Parce que ça va bien. Ça va bien dans ma vie. Puis bon, ça fait quand même 10 ans quand je vois venir une certaine crise économique. Donc, j'ai agi en conséquence pour avoir une certaine sécurité. Je suis pas trop inquiet. J'ai une vie stable, un clan familial assez solidaire, assez serré. Je me suis dit, il doit pas parler de moi. Parce que comme quand David Lévesque il dit ça va bien, puis que je dis oui, ben c'est vrai. Puis même quand ça va mal, si on peut dire, ben ça va bien pareil. Donc, bon, je me suis dit, parle pas de moi. Il y a eu un clash avec un autre. Je me doute un peu peut-être qui, puis c'est peut-être lié à des malentendus. Au fond, je le sais pas, puis c'est pas de mes affaires. Mais comme ça peut prêter à confusion, je me suis dit, bon, ben là, en plus, c'est de valeur que ça se passe en public, là. Je le sais qu'ils peuvent communiquer en privé. Mais là, moi, sur le coup, je me dis, parles-tu de moi? En plus, que je suis pas du tout ce qui se passe. Puis je m'en occupe pas ben, ben de ce qui se passe dans ce milieu-là. Mais en même temps, bon, je dis, il y a peut-être un petit peu de ressentiment par rapport à des choses que j'ai dit. Bon, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient faire l'entretien ménager. Donc, bon, si l'aspirateur part, ben, je ferai du montage, hein, même si j'aime pas ça. Donc, bon, je l'écoutais, puis je me disais, bon, ok. D'après moi, il parle pas de moi. De toute façon, il parlait d'affaires de pas respecter le matériel, puis tout. Puis ça faisait des mois que je l'avais pas écouté, Fergus. Puis j'ai jamais pris son matériel. Donc je me dis, il parle pas de moi. En tout cas, à moins que il s'imagine des choses, je le sais pas. Mais je pense pas qu'il parle de moi. Parce que ça, bon, moi ça va bien dans ma vie. Depuis des années, ça va quand même bien. Même, j'irais jusqu'à dire, je parlais de ça l'autre jour avec ma conjointe, puis on se disait qu'on est quand même bien. Dans le sens que on le voit, il y en a que ça va mal. Comme même ces temps-ci, on sent que la tension monte, il y a beaucoup de gens que ça va pas bien. Puis nous autres, ben ça va quand même bien. Je veux dire, j'habite à un endroit où il n'y a jamais de coupure de courant, où il risque pas d'en avoir non plus pour différentes raisons. Je suis sur un haut plateau du Bouclier canadien, ce qui fait qu'il n'y a aucune inondation, puis il ne peut pas en avoir non plus. Donc, à part des feux de forêt, puis même les feux de forêt, de la façon dont l'endroit où je vis, de la façon dont c'est configuré, ça se rendrait pas là. Donc, bon, on est quand même bien. On est chanceux. Ben, chanceux, entre parenthèses. Par contre, il y a des petites affaires, Fergus, que je pense que, bon, ça, il aime moins ça. Ben là, j'ai reconnu que possiblement ça pouvait venir de moi, là. Comme, bon, l'affaire Bernard de Montréal. J'ai jamais dit que c'était un accident, ce qu'il avait vécu. Mais j'ai dit, c'est presque un accident, ou plus ou moins un accident. Mais ça, c'est lié au fait que Bernard de Montréal est étudiant en anthropologie à Albuquerque, puis moi je soupçonne qu'il a fait partie d'un programme où des étudiants ont pris certaines substances, puis peut-être ça a déclenché des choses par après. On a notre ésotériste du Nouveau Monde qui est allé dire qu'à un moment donné, Bernard il est allé dans une base militaire. Puis il faut comprendre que le Canada est lié aux États-Unis militairement, notamment, bon, il n'y a pas juste le NORAD, ces choses-là, puis l'OTAN, mais des programmes, toutes sortes de choses. Puis quand on regarde ça, bon, on se rend compte, par exemple, il y a eu du MKUltra au Québec, à cause que certaines lois aux États-Unis qui interdisent au gouvernement américain d'agir d'une certaine façon avec sa population, ben des fois ils vont faire ça dans d'autres pays. C'est arrivé aussi en Europe, puis bon, l'université McGill, puis ces affaires-là. Donc, de pas être naïf, puis de considérer que quand je parle d'accidentel, c'est pour un accident. De toute façon, c'est quoi un accident? Un accident, c'est tout le temps prédéfini pareil. Je veux dire, souvent, quand on parle par exemple d'un accident prévisible, c'est-à-dire il y a de la programmation, puis c'est quoi un accident? C'est quand il y a un choc entre deux structures, puis qu'il y a un changement de direction. Où il y a une perte de l'énergie, va changer de structure, aller d'une à l'autre. Donc, c'est pas accident à prendre au sens de hasard. Il y a aussi, je me suis dit, il y a peut-être des choses que j'ai dit par rapport à, comme la réincarnation, puis ces choses-là dernièrement. Minou, viens ici. Que peut-être ça a déplu. Mais là, il faut comprendre, si on considère l'âme comme une cinquième dimension, où le temps et l'espace sont pas comme on le conçoit en tant qu'ego incarné, ça veut dire que toutes les âmes se connaissent. Puis, quand l'information, le vibratoire, si vous voulez, entre en contact avec l'ego, il va être intellectualisé, donc interprété, dépendamment de structures psychologiques, puis ça peut devenir l'être humain, il va rationaliser, il va intellectualiser son vécu vibratoire, puis il en a fait de la croyance puis de la spiritualité. Donc, si toutes les âmes se connaissent, il peut arriver au niveau d'ego qui se rend compte qu'à un moment donné, il y a eu des sympathies vibratoires, puis là, l'ego va interpréter ça comme c'est des âmes qui se sont connues dans une autre vie, des choses comme ça. Alors que c'est pas l'ego qui se réincarne, c'est l'âme, dans le sens que c'est des programmes qui reviennent, c'est de la mémoire. Puis ça, c'est pas le moi réel, au fond. Il y a une mécanicité là-dedans. C'est là où je considère que c'est de la spiritualité, puis c'est de la croyance. Quand on interprète les histoires de réincarnation au sens orientaliste, ce avec quoi j'ai bien de la misère. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des choses comme ça que ça peut accrocher. Aussi, je chialais, là, les moralisateurs avec un bâton dans le derrière. Bon. Je me sens pas trop visé, là. Je pense pas qu'il parle de moi. Ben, je suis pas sûr, dans le fond. T'as-tu fini? Non, non. Pas tout de suite. T'as rien qu'à sortir tantôt. Puis, bon, c'est vrai que je peux être rigide un petit peu, mais c'est pas pour des raisons de morale. Ça n'a rien à voir, dans le fond. Dans le fond, pourquoi justement le chat, si je vais à. Si je le regarde dans sa litière, il me regarde d'une façon gênée, puis il est mal à l'aise parce qu'il a une dignité naturelle, pas parce qu'il est moralisé au sens psychologique du terme. Donc, bon, il y a aussi, il faut comprendre, la recherche des plaisirs dans la vie, puis blablabla. Au niveau des programmes, puis de la façon dont l'être humain va être, si on peut dire, géré par de la programmation, il y a la polarité dans son mental, mais aussi son système nerveux. Donc, il y a la polarité, douleur-plaisir. Puis bon, c'est jamais bon signe d'être à la recherche de plaisir à mes yeux. C'est pas de la conscience. C'est pas de la conscience. Toute ma vie, je vais avoir cherché une certaine neutralité. Une certaine neutralité. C'est pour ça que les plaisirs, bon. Puis oui, c'est sûr que j'étais un petit peu à droite, puis que j'ai quand même une culture chrétienne à la base. Donc, bon, pour ce qui est de les évangiles ne condamnent pas de boire de l'alcool, ce qu'ils condamnent, c'est l'ivresse. L'ivresse. Il y a une nuance à faire, pareil, puis c'est pas parce que je suis rigide, puis tout, mais au niveau de ce qui est public. Ce serait le fun d'être un peu comme le chat, puis qu'à un moment donné, bon, il y a ce qu'on pourrait appeler une certaine dignité naturelle, puis que finalement, ça n'a pas rapport avec la morale au sens psychologique du terme. Puis, dans le fond, c'est pas est-ce que ce qui est bien ou ce qui est mal, mais qu'est-ce qui est ajusté puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis une chose que je ne peux pas reprocher à Bernard de Montréal, c'est que c'est un bonhomme quand même qui avait de la classe, puis qui s'est tout le temps comporté en monsieur quand même, puis qui avait une certaine dignité naturelle. Même si pourtant, il avait une parole très libre, puis qui était très transparent. Mais pourtant, il ne s'est jamais conduit d'une façon. Bon. C'est pas un reproche, là. Hein? Chacun son expérience, puis dans le fond, c'est pas de mes affaires. Mais oui, des fois, bon, peut-être que je peux avoir l'air rigide, mais là, de là à parler de bâton dans le cul, pour moi, ça parlait pas de moi. D'après moi, c'était pas lié à moi. Il y a ça, des fois, que je trouvais chez Marc de la Salle. Je le trouvais, des fois, il manquait un petit peu de. On sentait une certaine rigidité, mais un petit peu trop, là. Mais je pense pas être comme ça. Faut pas confondre la froideur avec être prude. Comme par exemple, j'ai une conjointe qui est très très pudique. Mais ça lui est naturel. C'est pas. Je pense pas non plus que ça vienne de son éducation. Je pense que ça lui est naturel. Puis je suis un petit peu comme ça aussi. Bon, le chat veut sortir. Est-ce que j'avais à dire sur ça? Je pense pas que. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu un petit clash avec Sam. Mais là, je connais pas la teneur puis tout. Mais là, comme ça peut prêter à confusion, je me suis dit, je peux aussi bien dire quelque chose. Parce que là, le gros qui aime jouer dans la terre, ça pourrait peut-être être moi. Hein, ça ressemble un peu. Mais je pense pas que ce soit moi. Parce que moi, bon, ça va bien. Ça va tout le temps bien. Même quand ça va mal, ça va bien. Donc, bon, j'imagine que c'est pas de moi qui a été question, là. Mais quand même, je me suis dit, je vais dire quelque chose parce que, bon, je lui ai écrit en privé, mais j'ai pas de réponse ce matin. Puis, bon. Puis, je vais faire une vidéo plus tard par rapport à. Il y a certaines choses, des liens que j'ai faits dans la dernière année par rapport à l'énéagramme. S'il y a des gens, là. Au niveau de leur culture personnelle, là, qui ont eu de l'intérêt pour Gurdjieff, là, je vais parler de l'énéagramme puis faire des liens avec ma systémique, des choses que j'ai remarquées. Donc, bonne journée à vous.